les matins, il y a 7,6 trillions qui sont échangés, ou soit en monnaie étrangère vers le dollar, soit le dollar vers une monnaie étrangère. Et c'est comme ça que les États-Unis, je dirais, excusez-moi pour l'expression, mais il n'y en a pas d'autre, ils maquent le monde. C'est avec ça. Et quand ça ne nous plaît pas, et ben c'est des sanctions. Et on ne peut pas utiliser le SWIFT. Mais 7,6 trillions, combien les Américains prennent au passage? C'est des sommes énormes tous les jours. Donc, à travers tout ça, non seulement ils nous font du mal, mais en plus, les Européens acceptent des choses pareilles chez eux et les Américains arrivent toujours à éloigner le problème de chez eux. Afrique Média, le monde, c'est nous.